Il y avait Sylvie, et puis je les voyais encore là, je les voyais encore. Et puis plus rien, enfin je ne pense pas. Je ne suis plus là, enfin je ne pense pas.